Que faire? Je n'ai qu'une ressource, aller trouver Matoussin, l'ancien camarade qui restait rue de l'Arbre Sec. S'il est là, je suis sauvé. Il n'y est pas. Matoussin a quitté la maison depuis un mois, et l'on ne sait pas où il est allé. On l'a vu partir avec des poètes, me dit le concierge, des gens qui avaient des cheveux jusque-là. Il n'y a plus qu'à aller du côté de l'amoureuse à Matoussin, une fruitière. Matoussin l'avait baptisée Torchonnette. À l'heure du déjeuner, j'ai eu 20 alertes, croyant 20 fois reconnaître l'amoureuse à Matoussin. Je quittais mon point d'observation pour courir où il y avait plus d'air, et j'allais m'affaisser sur un banc de boulevard d'où je regardais couler la foule. Sur ce boulevard, la foule se renouvelait sans cesse. C'était le sang de Paris qui courait au cœur, et j'étais perdu dans ce tourbillon comme un enfant de 4 ans, abandonné sur une place. J'ai faim. Faut-il entamer les sous qui me restent? Que deviendrai-je si je les dépense sans avoir retrouvé ma Toussaint? Allons, le sort en est jeté. Je vais chez le boulanger prendre un petit pain d'un sou ou je mords comme un chien. Chez le marchand de vin du coin, je demande un canon de la bouteille. Oh, ce verre de vin frais, cette goutte de pourpre, cette tasse de sang. Il a suffi de ce verre de vin pour me refaire et je me redresse droit dans le torrent d'hommes qui roule. Il est 2 heures de l'après-midi. Je recommence pour les étudiants ce que j'ai fait pour les fruitières. Je ne sais où est ma Toussaint. Je n'ai pu retrouver Royani. J'irai coucher dans la rue où est un garni à 6 sous.